à ce qui paraît, mon son est taché. Eh ben l'écoute pas, connard, vas-y va chier. Mon rap n'est pas taché. Du sperme les gars, faut que vous sachiez. À ce qui paraît, je sniffe des sachets de coke. J'vends des kilos de seum, j'en ai même caché. J'suis blindé, mon Clio n'est qu'un faux reflet. Avance-moi 20 kilos, gros, j'me refais. Tu le sais, j'suis pas un radin, j'suis pas un raté. Le cœur sur la main, quand j'croise les Schmitt, ils savent pas ce qu'ils ont raté. À ce qui paraît, je sers à rien. Dis-moi à quoi tu sers, toi, en fumant ton joint, tout va bien. À ce qui paraît, nous vivons dans le meilleur des mondes, mais on se trompe. À ce qui paraît, j'avais disparu, je réapparais. Appelle-moi parrain, encore plus taré. Sur un son taré, c'est mal barré. Une baffe, une tête au carré, tu peux te barrer. À ce qui paraît, j'avais disparu, je réapparais. Appelle-moi parrain, encore plus taré. Sur un son taré, c'est mal barré. Une baffe, une tête au carré, tu peux te barrer. À ce qui paraît, les infos nous cachent la vérité. J'ai un scoop hardcore à vérifier. À ce qui paraît, j'suis un mytho. Nique ta mère, moi j'agarre pas les minos. À ce qui paraît, j'ai pas les couilles de me venger. Il s'agit de se ranger, ne pas mettre sa famille en danger. Si la France m'a saoulé, j'me barre à Alger. Avec mon rayon de soleil, à ce qu'il paraît, je ne suis plus avec elle. Les gens aiment se mêler des affaires qui les regardent. Hop, je leur fais un hommage, c'est dommage. À ce qu'il paraît, je suis au chômage. Bande de gros nazes, il paraît que je me cache, rongé par le H. Ils aimeraient me voir quand je me fâche. Personne ne peut dire que je me fais une crasse. Depuis minot, on se baigne tous dans la hasse. À ce qu'il paraît, on nous met tous dans le même sac. Depuis l'école, on nous sac. Y a-t-il un espoir de changer le regard du blanc envers les arabes et les noirs? À cause de, il paraît que les bourgeois prennent du noir. Ils n'osent plus sortir le soir. Il paraît qu'on appelle ça la paranoïa. Tu ne savais pas que le business fait appliquer les chemins en vitesse. Dédicace à ma petite S. À ce qu'il paraît, j'avais disparu, je réapparais. Appelle-moi parrain, encore plus taré. Sur un son taré, c'est mal barré. Une baffe, une tête au carré, tu peux te barrer. À ce qu'il paraît, j'avais disparu, je réapparais. J'avais disparu, je réapparais. Appelle-moi parrain, encore plus taré. Sur un son taré, c'est mal barré. Une baffe, une tête au carré, tu peux te barrer. Appelle-moi parrain. Bande de Tommy, au Chromie, famille Corleone. Même inculpé, on y, jusqu'à la mort. Triste et le décor, inculpé, on y. Au micro, famille Corleone.